Seigneur, nous te remercions ce matin pour la vie que nous avons. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes de nous lever chaque matin avec force, en bonne santé. Seigneur, merci parce que nous sommes ici une fois dans ta maison. Et Seigneur, nous prions que ce matin, ta parole nous touche et change nos vies. Seigneur, que personne ne sorte de ces salles la même. Seigneur, que nous sortons de ces salles changés, encouragés, bénis, Seigneur, par ta parole et ta présence. Seigneur, nous demandons que ta présence remplisse cette salle et ta présence nous influence ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que cette présence chasse toute autre présence. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Et tout le monde dise amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Et je pense que vous êtes déjà bénis par la chanson. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas étonnant? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas étonnant que les francophones de l'Afrique, du Gabon, Congo, Côte d'Ivoire, Tchad, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal, alléluia, sont en train de chanter en tui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous n'êtes pas étonnés? Alléluia. Et donc, nous donnons gloire à Dieu ce matin. Alléluia. Donc ce matin, nous allons écouter cette parole que Dieu a pour nous. Alléluia. Et ne soyez pas gênés par le son. Alléluia. Je pense que vous m'entendez. Alléluia. Vous m'entendez tous? C'est bon, non? OK. La semaine passée, on a parlé du sang de Jésus. Alléluia. De la puissance que le sang de Jésus a. Alléluia. Amen. Qui sont ceux qui n'étaient pas là la semaine passée? Le dimanche passé. OK. Vous êtes des nouveaux. Tous les nouveaux sont les bienvenus. Alléluia. Et je pense que vous serez bénis ce matin. Alléluia. C'est bon, non? Ah. OK. Donc, ce matin, je vais partager quelque chose. Alléluia. On va laisser un peu le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome. C'est Deutéronome ou bien Deutéronomie? Deutéronome, OK? Deutéronome, chapitre 8. OK. Tout le monde prend sa Bible, OK. Deutéronome, chapitre 8, OK, verset 2. Verset 2. Est-ce que vous êtes là? OK. Verset 2 dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 4 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderas ou non ses commandements. Alléluia. Et donc, descendez un peu, verset 18. Et dis, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Ok, le même chapitre, verset 18. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Alléluia. Ok. On va aller verset 17 pour bien comprendre. Il dit, garde-toi de dire de ton, en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Alléluia. Il dit, fais attention pour te dire que c'est ta force et la puissance de ta main qui t'a donné la richesse. Ah, ça c'est un avertissement, ok? Donc verset 18 dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, ok? Pour acquérir les richesses, afin de confirmer, ok? Comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia! Donc c'est l'Éternel qui nous donne la force et la puissance pour avoir de la richesse. Alléluia. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas la puissance de ta main. Ok? Donc, c'est Dieu qui te donne la force. Alléluia. Les gens qui disent, la plupart disent que oh, bon, c'est moi, je suis intelligent, je suis bien, je connais, j'ai la connaissance de l'histoire, de la géographie, de la biologie, de l'informatique. De quoi encore? De la mathématique, de la philosophie, de la gestion. Donc c'est moi, c'est moi qui a fait. Alléluia. Si tu as réussi à tes examens, c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Yeah, c'est pas toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, Deutéronome chapitre 15. On va lire quelques versets. Chapitre 15, verset 15. Tu te souviendras, ok? Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici? Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Alléluia. Souviens-toi. Donc vous allez voir que ces trois, ok, ou bien je lis un autre verset, Deutéronome 16, c'est le même chapitre, ou bien c'est le même livre, Deutéronome 16, verset 12. Deutéronome 16, ok. Le chapitre qui suit, ok, verset 12. Tu te souviendras que tu as été esclave, ok, c'est comme le verset qu'on vient de lire, en Égypte, et que tu observeras ces lois et les mettras en pratique. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Souviens-toi, souviens-toi. Donc, vous allez voir que ces quatre versets qu'on vient de lire, part de souviens-toi, souviens-toi, se souvenir de ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Souviens-toi, souviens-toi. Lorsque tu te souviens de ce que, d'où tu viens, ok? Te souviens de ce qui a été passé dans ta vie. Tu agis d'une manière différente. Alléluia. Lorsque tu oublies, aussi tu agis d'une manière. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur a mis ces versets pour nous faire rappeler que c'est lui qui nous a sauvés. Alléluia. C'est nous qui on était esclaves. Ou bien le peuple d'Israël était esclave. On était esclaves. Alléluia. Au péché, au diable. Nous servons le diable. Nous servons Satan. Et le Seigneur nous a rachetés. C'est ce que le verset 18. On était esclaves. Hein? Et le Seigneur nous a rachetés par le sang de Jésus. Alléluia. Donc, il ne faut pas oublier. Hein? Dis à ton voisin, il ne faut pas oublier. Hein? Il ne faut pas oublier. Vous voyez, dans la Sainte Cène, la communion, Hallelujah. La Bible dit que Jésus a dit de prendre la communion, de prendre mon sang et mon corps comme un rappel, hein, du sacrifice qu'il a fait sur la croix. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que l'homme oublie facilement. Alléluia. On oublie facilement. Et voilà, beaucoup de versets disent souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi, n'oublie pas, souviens-toi, n'oublie pas. Donc pourquoi le Seigneur a institué, avant de quitter cette terre, avant d'aller sur la croix, il a rassemblé les disciples. Et puis ils ont pris la Sainte Cène. Il a dit, prenez, ça c'est mon sang. Et prenez, ça c'est mon corps. Comme un rappel de l'alliance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il ne veut pas qu'on oublie certaines choses. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, oublier, c'est une malédiction. Yeah, l'oubli. C'est une malédiction. Alléluia. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Lorsque tu te rappelles de ce que le Seigneur a fait, hein, tu agis d'une manière différente. Alléluia. Ce matin, nous voulons nous rappeler de quelque chose. Vous voyez, dans cette vie, il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Yeah. On oublie. Lorsque les gens te fassent du bien, on oublie facilement. Yeah. Moi, j'ai eu des expériences ici, beaucoup même. Ces jours-ci, parfois, je fais attention. Hein? Je fais attention à certains d'entre vous qui viennent me voir chaque jour, chaque dimanche. Yeah. Chaque jour, vous avez quelque chose à discuter avec moi. Yeah. Fais attention, parce que j'ai réalisé ces personnes-là sont sur la voie d'oublier tout ce qu'on a fait pour ces personnes. Yeah. Yeah. Je m'étonne. Très bien. Il y avait un gars là. Un certain gars, c'est ça. OK. Non, il faut pas il faut me comprendre, OK? Je ne dis pas que tu ne peux pas venir me voir. OK. Il faut venir. Je veux que les gens viennent. OK? Alléluia. Yeah. Il y avait ce gars qui parlait chaque fois avec moi. On était très, comment on dit? Yeah. Alléluia. Je m'appelle, j'appelle le culte. Je suis venu demander ma veste. Hey. OK. Je l'ai donné. La veste. Une semaine, deux semaines après, le gars est parti. J'étais étonné. J'ai dit, waouh, le gars là, il a oublié. Hey, il a oublié. Forgive. Hein? Il faut faire attention à ceux qui te font du bien. Il ne faut pas les oublier. Alléluia. Parce que l'homme oublie facilement. Yeah. Faire du bien à quelqu'un. Et puis une petite erreur quelque part, c'est fini. C'est comme tu n'as rien fait. C'est pourquoi le Seigneur a mis là-bas, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi que tu étais esclave. Et après tout ça, là, le peuple d'Israël a oublié qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et il a envoyé Moïse pour les sauver. Ils ont oublié. Yeah. Ils ont oublié. Plusieurs d'entre eux qui ont quitté l'Égypte n'ont pas atteint la terre promise à cause de l'oubli. Yeah. Il faut lire la Bible. Ce sont quelques personnes qui sont allées dans la terre promise, ceux qui ont quitté l'Égypte. Peu de personnes ont rentré dans la terre promise à cause de l'oubli. Alléluia. Et ils ont fait d'une manière que Moïse lui-même n'a pas atteint la terre promise. C'est eux qui ont fait. Yeah. Yeah, c'est ça. Hein? Moïse était fatigué d'eux. Et il a désobéi le Seigneur. Et à cause de cela, il n'a pas atteint la terre promise. Alléluia. Donc l'oubli, c'est dangereux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? L'oubli, c'est dangereux. Donc ce matin, je veux vous parler de ce souvenir. Alléluia. Ce souvenir. Amen. Et surtout, par exemple, lorsque tu prends un pays, l'exemple du Ghana, hein, qui ne connaît pas Kwame Nkrumah? Tout le monde connaît Kwame Nkrumah. Vous ne connaissez pas? Tout le monde connaît. Ah, mais vous avez entendu parler de lui. Quelques entre vous avez lu un peu l'histoire. C'est ça, non? Yeah. Je te dis, le gars là a fait beaucoup de choses pour le Ghana. Alléluia. Mais ils l'ont chassé. Et je peux dire qu'ils l'ont tué. Après sa mort, ils ont oublié ce qu'il a fait. Hein, durant sa vie, durant son règne, je peux dire son règne, alléluia, ils ont oublié tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, c'est qui, ceux qui l'ont tué, ce sont ceux-là qui sont en train de parler de lui. Yeah. Alléluia. Yeah. Ce sont ceux-là qui sont en train d'oublier. Durant sa vie, ils sont oubliés. Et dans vos pays, c'est la même chose. Les présidents qui ont aidé, les présidents qui ont fait grandes choses, on les a oubliés. On oublie ce qu'ils ont fait et puis on les chasse. Après, on réalise que non. Après, ce qui se passe, que les présidents qui suivent réalisent que, ah, ils ne font rien en comparaison de l'autre personne. Yeah. Et maintenant, on regarde que, ah, le gars là, il était bien. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, si quelqu'un fait quelque chose de bien, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. C'est pourquoi le Seigneur sait que le sacrifice de Jésus, c'est possible que l'homme oublie. C'est pourquoi on a institué la Sainte Cène. Pour se rappeler du sang qui a été versé. Pour se rappeler du corps de Jésus qui a été donné. Yeah. Donc, on va manger. Lorsque Jésus a dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Ça a été même un problème pour l'église. Yeah, ils l'ont chassé à cause de cela. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont le tué. Pourquoi? Ça, c'est quelle doctrine? De boire ton sang et manger ton corps. Alléluia. Ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, maintenant, on comprend pourquoi il a versé son temps, il a donné son corps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Alléluia. Amen. Donc ce matin, on va parler un peu de cela. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, tout ça là, c'est pour faire comprendre que il y a des gens qu'on ne doit pas oublier ce qu'ils ont fait. Alléluia. Il y a des personnes dans nos vies. Alléluia. Par exemple, nos pères. Alléluia. Nos pères. Et surtout, je veux parler des fondateurs. Par exemple, Kwame Nkrumah. Alléluia. Amen. Et si on prend l'église, je veux parler par exemple de Dag Harold Mills. Le fondateur de cette église. Alléluia. Parfois, vous avez oublié que c'est lui, hein. Parce que chaque fois que vous me voyez, c'est moi qui prêche ici. Donc, vous avez oublié qu'il y a Dag Harold Mills qui m'a envoyé ici. Ou bien? Vous avez oublié. Alléluia. La façon dont vous me regardez là. Alléluia. Amen. Je veux qu'on se rappelle de ce qu'il a fait et puis l'honorer comme un fondateur, un père. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Yeah. C'est très, très important. On ne veut pas attendre qu'il meure. Et puis, maintenant, on fait un monument en honneur de Dag Harold Mills. C'est ce qu'on fait, normalement. Yeah, c'est ce qu'on fait. Après la mort de la personne, maintenant, on vient et puis on dit, OK, ça là est pur, a fait ceci. Là, là. Alors que lorsqu'il était en vie, on voit ce qu'il a fait. Alléluia. Si ce n'est pas à cause de lui, toi, tu ne seras pas ici. C'est bon ou bien c'est faux? Tu ne seras pas ici. Tu ne seras pas ici. Donc, ce matin, on va parler un peu. Est-ce que je peux? Yeah. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Genèse. Alléluia. Yeah. Genèse chapitre 9. Yeah. Beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on parle des hommes de Dieu. Yeah. Beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on honore les hommes de Dieu. Yeah. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes critiquent. Yeah. Et c'est pas nouveau, c'est pas une nouvelle chose. Yeah. Parce que Jésus même, lorsque il y a une femme qui honorait Jésus, il y avait le Judas qui était là pour parler contre. Il ne voulait pas critiquer. Pourquoi? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas une nouvelle chose. Mais il ne faut pas te joindre aux agents de Satan pour critiquer les hommes de Dieu. Yeah. Tu vas amener une malédiction sur ta vie. Yeah. Alléluia. Dans Genèse 9, verset 22, Cham, père de Canaan, c'est Canaan ou bien Canaan? Canaan, ok? Canaan. Hey, francophone. Canaan. Père de Canaan vit la nudité de son père et il le rapporta d'erreur à ses deux frères. Alors Shem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme le visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Wow. Shem. Alléluia. Cham a déshonoré son père. C'est pourquoi je dis que l'oubli, c'est une malédiction. Alléluia. Cham a oublié que son père Noé, vous connaissez le père de Cham et de Japhet et de, alléluia, de Sem, c'est Noé. Il a oublié. Il a déshonoré son père. Il a oublié que c'est son père qui a construit le bateau. C'est à cause de son père qu'il est sauvé. Qui a été sauvé. Alléluia. Yeah. Yeah. Non, ne déshonore pas le père de cette maison. Hein? Reconnaissons ce qu'il fait. Reconnaissons la raison pour laquelle c'est lui qui a été appelé par le Seigneur. C'est lui qui nous a montré la voie. C'est à cause de lui que nous sommes sauvés. Alléluia. Yeah. C'est à cause de lui. C'est à cause de son obéissance à l'appel que certains d'entre nous sommes sauvés ici. Yeah. Je ne sais pas si, par exemple, c'est pas lui, est-ce que je serai sauvé? C'est pas un membre de son église qui m'a invité. Que viens, on va aller à l'église. Ce matin, je me rappelle, très tôt le matin, 8h, 9h le matin, samedi, il y a la sœur là qui est venue m'inviter. On va aller à l'église. C'était samedi, donc on va aller à l'église le lendemain. Bien le lendemain, non? Yeah, dimanche. Alléluia. Je me rappelle très bien. Donc, si ce n'est pas lui qui a obéi à l'appel, beaucoup d'entre nous, c'est difficile pour nous d'obéir à l'appel. Ou bien, yeah. Beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aller au ciel parce que nous désobéissons à l'appel de Dieu. Yeah. Il y a beaucoup de personnes qui se sont sauvées à cause de toi. Alors que tu es en train de désobéir. Alléluia, il ne faut pas oublier ça. À cause de soi, beaucoup de personnes seront sauvées. Et lorsque le Seigneur t'appelle, il ne faut pas refuser. Alléluia. Donc c'est lui qui a obéi à l'appel. Et nous voici ici. Beaucoup. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut pas oublier. Shem a oublié que c'est son père qui a obéi à l'appel. C'est ton père qui était le juste durant ce moment, parce que le Seigneur voulait détruire tout le monde entier. Et c'est seulement Noé qui était juste en ce moment. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Cham a oublié que c'est son père, la justice de son père, qui a sauvé sa famille. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, on peut dire que c'est par l'obéissance de notre père. Et à cause de cela, nous sommes ici ce matin. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Et il ne faut pas, c'est un homme très loin. D'accord. C'est loin. Alléluia. Est-ce qu'on peut, c'est pourquoi les gens disent que là, c'est un c'est un secte. C'est pas un secte, c'est l'onction. C'est l'onction. Parfois, il dit que lui-même, il s'étonne. Il est étonné par ce que il a fait. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il est étonné. Il est étonné. C'est l'onction de Dieu. Alléluia. C'est l'onction. Il ne faut pas sous-estimer l'onction de Dieu. Et si tu es chrétien, tu as besoin de prier pour l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu te permet de faire des choses que naturellement, personne ne peut faire. Alors, si tu vois Lighthouse, ça, c'est pas naturel. Ça, c'est pas possible. Un homme ne peut pas faire ça. Oui, un homme ne peut pas faire ça. C'est Dieu qui est en train de faire quelque chose à travers lui. Un homme ne peut pas faire. Un homme ne peut pas faire. Alléluia. Un homme ne peut pas faire. C'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est pas un secte. Si tu as l'idée que c'est un secte, il faut enlever ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Lorsque j'ai commencé, est-ce que vous n'êtes pas étonné que des francophones soient en train de chanter dans une langue étrangère comme le twi? Vous croyez que c'est aussi simple comme ça? C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La fois passée, je disais à quelqu'un que les choses que nous voyons que c'est naturel, plusieurs de ces choses ne sont pas naturelles. C'est surnaturel. C'est pas naturel. C'est pas ordinaire. Moi, lorsque j'ai dit, ça c'est surnaturel. Alléluia. Surnaturel. Les jeunes filles, jeunes garçons, ils sont ici. Ils ne sont pas allés à la boîte de nuit, ils sont ici. Parce que s'ils sont allés à la boîte de nuit ce matin, ils sont en train de dormir. Et ils sont ici, ils sont en train de chanter le tui. Vous croyez que c'est naturel? C'est pas naturel. C'est pas naturel. Vous êtes étonné que je dis que c'est pas naturel. C'est pas naturel. Naturellement, un jeune, samedi soir, minuit, sort de la maison minuit pour aller quelque part. Ça, c'est naturel. Ça, c'est naturel. Naturel. Donc il faut savoir qu'il y a une onction qui est là parmi nous, une onction qui est là, qui est sur notre père, une onction qui nous permet de... Moi, je suis très timide. Lorsque l'école secondaire, et puis moi, me tenir devant une fille et parler. J'étais timide. Chaque fois, je me cachais. Parfois, même avec mes amis, les garçons, même, je n'arrivais même pas à parler. Je suis toujours calme. J'étais toujours calme. Yeah! Vous êtes étonné. Vous êtes étonné. Yeah! Si je suis ici, c'est un miracle. Yeah. Yeah. Si par exemple, je rencontre l'un de mes amis de l'école primaire ou bien secondaire, ils seront étonnés de me voir ici. Ils seront étonnés de me voir ici. Alléluia! Vous ne savez pas. Il y a une onction qui est là. Et je me rappelle, il y a l'évêque qui disait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans Lighthouse, qui croient plus que ceux qui sont dans Lighthouse. Yeah. Qui croient qu'il y a une onction qui sont en train de bénéficier de cette onction, parce que c'est la foi qui fait qu'on peut bénéficier de cette onction. Yeah. C'est pourquoi il aime plutôt aller prêcher dans d'autres églises. Bon, il prêche à Lighthouse, mais il aime. Il dit qu'il aime ça parce que lorsqu'il va, les gens croient plus en lui plus que les membres de Lighthouse. Yeah. Toi aussi, c'est ça, toi aussi. C'est pourquoi tu le critiques. Yeah. C'est pourquoi tu le critiques. Parce que tu ne crois pas. Yeah. Alléluia. Yeah. Ce matin, j'écoutais un message. Il a fait une convention, je pense, une convention, bien quelque chose, à l'Afrique du Sud. Non, c'était Healing Jesus, la croisade. Et puis, chaque matin, il y avait une conférence où il prêchait. Alléluia. Il prêchait aux pasteurs. Donc, il y avait beaucoup de pasteurs. Il prêchait le matin aux pasteurs et puis le soir, il fait la croisade. Donc, il a dit qu'il y a un matin, il a fini de prêcher. Et puis, c'est un autre pasteur qui disait ça. Parce qu'il a fini de prêcher et puis il est parti. Et puis le pasteur était là, il devait passer une session avec les autres pasteurs. Donc il avait une pause de 10 minutes. Donc durant cette pause, ils étaient tous des noirs. Des noirs, sud-africains, noirs. Mais il y avait, il dit qu'il y avait devant, il y avait quelques blancs pasteurs qui étaient là. Donc il y a un premier pasteur qui est venu le voir, parler de quelque chose. Mais il y a un deuxième pasteur, une femme qui est venue le voir, elle est pasteur, est venue le voir. Apparemment, c'était la femme du pasteur qui était venue le voir. Donc, la femme, la dame est venue, le pasteur est venu le voir, dit que elle a un don. Un don où ses yeux ouvrent pour voir dans le spirituel. Et donc, il a dit au pasteur que lorsque l'évêque prêchait, ses yeux sont ouverts. Et puis, il a vu un ange. Qui était un grand ange qui était... Non, c'est pas ça. Il disait, il a vu beaucoup d'anges qui étaient parmi l'assemblée. Une centaine d'anges qui étaient dans l'assemblée. Yeah. Donc, il disait au pasteur de s'assurer qu'il va dire à l'évêque. Alléluia. Yeah, c'est l'onction qui est là. Et puis à Londres, c'est la même chose. À Londres, il disait qu'il prenait les offrandes. Donc, ici, là, on dit qu'il venait 10 Ghana Cedi, 5 Ghana Cedi, 20 Ghana Cedi. Les gens même critiquent ça. Yeah, les francophones, vous critiquez. Vous critiquez, vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous connaissez? Vous connaissez la Bible? Vous ne connaissez rien. Donc, lorsque les gens, un pasteur en train de faire quelque chose, pas critiquer. Yeah. Il dit que prenez un offrande, un Ghana Cedi, c'était à Londres, donc à pound sterling. 5 pound sterling, 10 pound sterling. Donc il y avait une dame qui est venue donner une offrande. Donc lorsque la dame a mis l'offrande et puis partait, il a appelé la dame. Il dit, viens, je vais prier pour toi. Alléluia. Et puis il a prié pour la dame. Le lendemain, quelque chose s'est passé. Yeah. La dame est venue voir l'autre pasteur. En fait, c'est l'évêque Ogo. Parce que l'évêque Ogo, c'est lui qui normalement va avec lui. Venu voir l'évêque, l'autre pasteur, pour lui parler. Il a dit que lorsque l'évêque priait pour elle, elle a vu un grand ange qui était à côté. C'est l'ange, il a posé, parce que l'évêque a posé les mains sur elle et puis il a prié. Il a dit que non, c'est pas la main de l'évêque. C'était la main de l'ange qui était sur elle. Yeah. Yeah. C'est pas fini. Je vous dis, il y a une onction ici qui est en train de bénir l'Église. Les gens sont en train d'être bénis. Et nous devons nous croire en cette onction et puis quel français même je vais utiliser? Forgive. Donc après, il y avait un autre pasteur qui était assis durant ce temps. Et le pasteur est venu voir, il dit le lendemain, le pasteur est venu lui voir, il dit que lorsque l'évêque a appelé la dame de revenir, il va prier pour elle. Il dit que le pasteur a vu l'ange qui était à côté de l'évêque. Et donc, lorsque la dame a mis l'offrande dans le sac et puis partait, il y avait l'ange qui a dit quelque chose dans les oreilles de l'évêque. Donc, oh, vous ne savez pas, l'onction, ce n'est pas des histoires, c'est réel et c'est la foi. Soit tu crois, bien tu ne crois pas. C'est l'ange a parlé à l'évêque dans ses oreilles. Il a dit, reviens, je vais prier pour toi. Il a dit la même chose, donc il a imposé les mains. Ce n'est pas les mains de l'évêque, mais c'est les mains de l'ange. C'est pas la main de l'évêque. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je suis en train de dire qu'il y a une grande onction qui est sur cette église. Et si nous faisons ce que nous faisons ici, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est une grâce, une certaine onction. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc je suis en train de parler, honorer l'onction que nous avons. Honorer le Père que nous avons. Honorer l'évêque que nous avons. Que le Seigneur nous a. C'est un don. La Bible dit que c'est un don. Les pasteurs sont des dons. Les prophètes sont des dons. Alléluia. Les évangélistes sont des dons. Donc vous avez un don qui est un parmi nous que nous devons honorer. Pas après sa mort. Alléluia. Pas après sa mort. Waouh. Est-ce que vous êtes bénis? Il y a une onction ici. Ce matin, il y a une onction ici. Il y a une onction ici. L'onction, moi, m'a changé à un timide. D'un timide en ce que vous voyez maintenant. Est-ce que je suis timide? Moi, je vais me cacher. Je n'ai pas à être en public. Je me cache toujours. Je me cachais toujours. Je ne voulais pas en public. Non. En classe. En classe. Non. Je me rappelle lorsque j'étais en troisième. On m'a, nommé chef de classe. Ce n'était pas facile. Parce que toujours, on dit que le premier de la classe est le chef de classe. Mais chef de classe. Donc, on m'a dit assistant. Donc, l'assistant, c'est lui le chef de classe, c'est pas moi. C'est lui qui faisait tout, parce que c'est pas moi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et toi, tu es changé à cause de cette onction. Est-ce que tu ne te rappelles pas de ta vie? À moins que tu viennes d'arriver. Alléluia. Lorsque tu écoutes les messages, chaque fois je parle des messages. Les messages, les livres. Chaque fois je vous dis, vous étudiants, les messages qu'il est en train de prêcher à l'université du Ghana, First Love Church. Ces messages-là, c'est pour vous les étudiants. Si tu veux changer, si tu veux être béni par Dieu, tu dois toujours écouter ces messages. Lorsque je prêche, est-ce que vous n'êtes pas béni? Est-ce que vous êtes béni? Oui. Vous êtes sûr que vous êtes béni? Oui. Hein? Oui. Sont les messages qu'il a prêchés que je prêche à vous. Sont les messages qu'il a prêchés. Sont les livres. La fois passée, il y a un gars qui est venu me voir. Sont les livres de l'évêque que je prêche pour vous. Alléluia. Donc, si vous êtes béni, si vous êtes sage, vous allez prendre ces livres parce que ça, c'est la source même. Vous allez prendre ces messages parce que c'est la source de ces messages que je prêche ici. Je veux suivre mon Père. Alléluia. Je suis mon Père. Je ne suis personne. Je suis mon Père. C'est lui qui m'a montré la voie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, si vous êtes béni par ce que je prêche, si tu es sage, tu vas aller écouter les messages qu'il a prêchés. Tu vas aller lire les livres qu'il a écrits. Les livres sur le mariage. Je n'ai jamais vu quelqu'un écrire un livre sur le mariage comme il a écrit. Les livres que moi je vois, les livres ne sont pas pratiques. Peut-être. Les livres que moi j'ai déjà lus sur le mariage ne sont pas pratiques. Alléluia. Mais va lire son livre sur le mariage. Peut-être, ok. Pas maintenant, mais lorsque tu es prêt. Mais lorsque tu es prêt pour le mariage, va lire le livre. Alléluia. Le livre sur la croix. Le livre sur le salut. C'est aussi simple. Il a démystifié la fonction d'un pasteur. Tu peux être pasteur. Alors, le poste de pasteur, tu peux être pasteur. C'est possible. C'est possible. Pour lui, il est. C'est très simple. Explique les versets très simples. Et donc, tout le monde comprend. Et c'est la même chose que ce que Jésus a fait. C'est pourquoi on n'oublie pas les histoires, les paraboles dans la Bible. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a une onction qui est sur cette église. Il y a une onction ici ce matin. Et cette onction vient de lui. C'est là qui est sur nous tous ici. On va voir les mêmes choses. Est-ce que vous n'êtes pas étonné que, par exemple, au Gabon, on a combien de branches? 10 branches au Gabon. Je crois que c'est comme ça. Tu crois que c'est naturel? Que les Gabonais vont à l'église, Lighthouse, prient en langue. Beaucoup de jeunes garçons, jeunes, sont devenus pasteurs. Alléluia. Vous croyez que c'est aussi simple comme ça? Est-ce que tu n'es pas surpris que tu es ici ce matin? C'est l'onction. C'est l'onction. Alléluia. Amen. Et nous voulons honorer ce don que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Amen. Et comment est-ce qu'on va le faire? Le mois prochain, c'est son anniversaire. Le mois prochain. Le mois prochain. Le 14 mai. Dans ce jour-là, c'est le jour des fondateurs. Le jour du fondateur vient des fondateurs. Alléluia. Et dans ce jour, nous voulons l'honorer. Alléluia. Amen. Et lorsque tu honores un homme de Dieu, le Seigneur va t'honorer aussi. Amen. L'onction qui est sur lui vient sur nous. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc dimanche prochain, on ne peut pas aller acheter une paire de chaussures pour lui. Est-ce qu'il... Lui-même, il n'aime pas beaucoup de chaussures. Lui va te dire qu'il a seulement une paire de chaussures qu'il porte chaque dimanche. Est-ce que vous savez, vous comprenez? La sagesse de Dieu est sur lui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va donner une offrande pour l'honorer dimanche prochain. Est-ce que c'est une bonne chose? Alléluia. Shem a oublié. C'est Shem. Shem a oublié. Shem a oublié. Mais nous ne voulons pas oublier. Alléluia. Nous ne voulons pas oublier. Nous ne voulons pas oublier. Shem a oublié qu'il ne connaît pas très bien le Seigneur au moment de... où son père a construit le bateau. N'était pas. Beaucoup d'entre nous, on ne connaît pas le Seigneur très bien. Mais on a un père qui connaît et qui nous dirige. Alléluia, faut pas oublier. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Si l'évêque n'a pas, par exemple, Shem a oublié que c'est son père qui a construit le bateau. Son père n'a pas construit le bateau. Ok, Hébreux 11, verset 7. On finit avec ce verset. Hébreux 11, verset 7. Hébreux. Ok. Hébreux 11, verset 16. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par là, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la loi. Waouh! Beaucoup d'entre nous, on n'a pas la foi que l'évêque a. Yeah, beaucoup d'entre nous. On n'a pas la connaissance. On n'a pas la voix. Mais donc, c'est pas l'obéissance et pas cette foi qu'il a en Dieu. Et nous voici ici. Il a obéi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Beaucoup de missionnaires. Je ne connais pas une église ici au Ghana où on envoie beaucoup de missionnaires comme Lighthouse envoie. Peut-être il y en a, mais moi je ne sais pas, je ne connais pas encore. Yeah. Missionnaires, beaucoup d'étudiants comme vous qui vont en mission. Alléluia. Maintenant il est en train de chercher des francophones comme missionnaires. Hein? Les francophones aiment trop la richesse. Les francophones aiment trop la réjouissance. Le luxe. Quoi encore? Le plaisir. Yeah. Ils cherchent des francophones qui vont sacrifier le plaisir, le luxe, tout ça là pour être missionnaire. Est-ce qu'on peut avoir ces missionnaires ici? Oui. C'est possible. Oui. Pas dit que non, j'ai fini l'école. Mais je vais aller au Mali. Je vais aller au Sénégal pour aller commencer une église. Ou bien je vais aller en Côte d'Ivoire pour aller aider le pasteur, le missionnaire ghanéen qu'on envoie là-bas. Alléluia. Ou bien je vais aller au Gabon. On a déjà 10 branches. Je vais aller commencer une autre branche. Je vais être berger. Je vais aller aider là-bas. Je vais aller chanter. Alléluia. Ou bien au Bénin, le missionnaire ghanéen qui est au Bénin, avec sa famille. Alléluia. Au Togo, un missionnaire ghanéen. Au Burkina, un missionnaire ghanéen, pas un burkinabé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Au Congo, missionnaire ghanéen, pas un Congolais. Alléluia. Qui au Ghana a fait ça? Parce que naturellement, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est l'onction. Yeah, l'onction. Yeah. Yeah. Yeah. Beaucoup de Ghanéens qui sont à Londres, qu'on a envoyé. Il y a un gars qui donnait un témoignage. Qu'il est allé à Londres, et puis on l'a invité à l'église. Il est dans la chorale. Et un jour, l'évêque l'a appelé. Je vais t'envoyer, où? C'est en Afrique, Amérique du Sud, un pays. J'ai oublié le nom. Hein? Trinidad et Tobago. On l'a envoyé là-bas, un missionnaire. Après 5 ans, on l'a appelé, l'évêque l'a appelé encore. J'ai besoin de toi en Australie. En Australie. Il est allé en Australie. Alléluia. Il allait rejoindre le missionnaire qui est là-bas. Parce que ce missionnaire, on voulait envoyer en Inde. Pierre, Pita. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Il y a une onction. Il y a une onction. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Missionnaire au Kenya. Missionnaire, Kenya. Maintenant, je viens d'apprendre, mais il y a un missionnaire même au Tchad. Tchad. Yeah. Yeah. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a une onction qu'on doit honorer. On doit honorer. Lorsque tu honores, tu es en train d'honorer le Seigneur lui-même. Tu es en train d'honorer Dieu. Alléluia. Et le Seigneur ne va pas t'oublier. Je pense que vous êtes bénis ce matin. Yeah. On ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier. Alléluia. Donc la semaine prochaine, je commence aujourd'hui, la semaine prochaine, je vais continuer. Alléluia. Honorer les pères et les fondateurs. Alléluia. Si tu as un père dans ta vie, commence à honorer maintenant. N'attends pas la mort. Ça, c'est l'ingratitude. Il y a un mot comme ça. Hein? L'ingratitude. La personne a fait beaucoup de choses. Peut-être, certains d'entre nous, il y a petites choses. Et on commence à déshonorer le père. Le père qui t'a envoyé à l'école. La maman qui t'a porté sur le dos. Tu pleurais. Maman va te porter. Il ne va pas dormir la nuit. Aujourd'hui, tu déshonores ces personnes. C'est une malédiction. Hein? Quel que soit ce que les parents ont fait, peu importe ce qu'ils ont fait, la Bible dit d'honorer les pères. Et il va prolonger nos vies. Il va nous bénir. On aura un temps, beaucoup de temps de joie. Certains d'entre vous n'êtes pas joyeux. Vous ne vivez pas dans la joie parce que vous déshonorez les parents. Parce que c'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Comme les enfants de cette église, on ne va pas déshonorer notre Père. Alléluia. On va l'honorer. Et le Seigneur va nous bénir. On va passer beaucoup de temps de joie et de prospérité. Parce que Dieu a promis, lorsqu'on honore nos pères, il va nous bénir. Au nom de Jésus. Levez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Donc dimanche prochain, prépare-toi cette semaine. Au moins tu as 7 jours. Et puis viens, prépare quelque chose pour venir donner de l'argent. Alléluia. Amen. De l'argent pour l'honorer, quel que soit le montant. Alléluia. Prie sur cette offrande que tu as pour l'honorer. Parce que ton offrande va faire quelque chose pour toi lorsque tu donnes. Alléluia. Amen. Donc prépare une offrande qu'on va donner à l'évêque, hein, pour son anniversaire, qui est le 14 mai. Alléluia. Fermez les yeux. Seigneur, nous te remercions ce matin. Est-ce que tu peux prier? Remercier le Seigneur pour cette parole qui te rappelle. C'est un rappel. Ce matin, c'est un rappel. Un rappel pour honorer les pères et les fondateurs. Ceux qui sont pères dans ta vie. Le Seigneur te rappelle de les honorer. Et dans cette église, nous avons un père qui est parmi nous. Un père moins, qui est en train de faire grand chose. Nos comportements, nos attitudes, nos styles de vie ont changé à cause de cette onction qui est sur sa vie. Nous sommes devenus de nouvelles personnes à cause de lui. À cause de l'obéissance à l'appel. Nous sommes ici ce matin. Seigneur, merci. Merci. Et Seigneur, nous prions, je prie ce matin pour chaque personne. Qu'on ne va pas oublier nos pères. Qu'on ne va pas oublier. Parce que la parole répète cette phrase. Souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. On va pas oublier. Nous allons nous souvenir. Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Avant de s'asseoir, fermez les yeux, s'il vous plaît. Avant de s'asseoir, je vais te donner l'opportunité de répondre à l'appel de Dieu. Dieu t'appelle pour donner ta vie à lui. Dieu veut te sauver de l'enfer. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Et la Bible dit que lorsque tu crois et tu confesses, tu verras le royaume des cieux. Donc ce matin, je fais l'appel. Tu sais dans ton cœur que si aujourd'hui le Seigneur arrive, tu sais que tu n'es pas prêt. Mais ce matin, tu peux prier cette prière. Et tu peux te rejoindre à tous ceux qui vont au ciel. Tu ne vas pas aller dans l'enfer. Et donc, si tu es là, tu dis, je veux donner ma vie à Dieu. Si tu veux dire, Seigneur, prends contrôle de ma vie à partir de ce moment. Si tu veux prier cette prière, lève ta main. Lève ta main. Merci, mon frère. Lève ta main. Merci. Merci, je vois les mains. Tu veux lever ta main pour... Merci, je vois les mains. Lève ta main. Si le Seigneur arrive aujourd'hui, et ce matin, tu as l'opportunité. Demain, on ne sait pas. Tu as l'opportunité aujourd'hui pour donner ta vie. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Lève la main. Je vois les mains. Merci, je vois les mains. Je vois les mains. Merci, ma soeur. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci, ma soeur. Merci, c'est bon. Ma soeur, merci. Toi aussi, lève ta main. On va prier une prière très simple. Et tu vas donner ta vie à Dieu. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux faire un pas? Viens devant moi. Viens ici, on va prier ensemble. Ma soeur, viens. Viens, viens. Viens, viens, viens. Yeah, c'est la joie. C'est la joie. Yeah, c'est la joie. C'est la joie. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Non, ça va. Merci. Merci. Viens ici, viens ici. Merci. Merci. Il y a une onction pour te sauver ce matin. L'onction de Dieu est là pour sauver ta vie. Pour sauver ta vie. Pour changer ta vie. Pour devenir une nouvelle personne. Cette onction est dans cette maison. Et dans cette salle ce matin. Et donc, fermez les yeux s'il vous plaît. Et répétez après moi. Dis Seigneur, je te remercie. Ce matin, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Ce matin, je veux te donner ma vie. Seigneur, merci que tu as envoyé Jésus pour me sauver. Je reconnais le sang. Je reconnais son corps qu'il a sacrifié sur la croix. Seigneur, je confesse qu'il est mon sauveur au nom de Jésus. Seigneur, je l'invite dans ma vie qu'il soit mon sauveur le reste de ma vie. Seigneur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux te servir. Je veux te donner ma vie. Je veux que tu prennes contrôle de ma vie à partir de ce moment. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi. Lave-moi avec le sang de Jésus. Seigneur, merci.